du karaté. Les Yankees et Marseille, ils auront qu'à rappeler. Je compte mes billets sur le canapé. Chez mon cardier, à 40 kayaté. Y'a qu'à ta mort qu'on fera la paix. La concurrence et ça pas rapé. Si je te fume, y'aura pas d'après. Y'a qu'en bas que Dieu, je pense à la plaie. Semi-auto sous le parapluie. Le pardon est une chose que je n'ai pas appris. La cartouche traverse jusqu'à la pluie. Je viendrai seul si je n'ai pas d'appui. Je parlerai seul si je n'ai pas d'amis. Mon art, j'en ai pas à lui. Sur terre, j'achète le paradis. Tu m'as fumé lundi, on se reverra mardi. Je l'ai baisé hier, on va déjà Marie. Elle rêve de moi, je rêve des Ferrari. Le monde est à moi, le monde est à nous. Le monde est à nous, est-ce que tu vois Mani? Que Dieu me pardonne quand je vois ma vie. Je ne rêve que de livrer pardon. Quand tu mon présent, sans les mains que mon avenir cartonne. Mes étés sont passés au carton. Mais maman, sois fort. Ton fils te reviendra. Les stars enfoncent la porte. Sérieux, l'avenir on le repeindra. À ma mort de mon vivant, qu'importe. Ce qu'on pense qu'on retiendra. Mais maman, sois forte. Si le diable m'emporte, tu vois mon cadavre sous un drap. Mais maman, sois forte. Ton fils te reviendra. Les stars enfoncent la porte. Sérieux, l'avenir on le repeindra. À ma mort de mon vivant, qu'importe. Ce qu'on pense qu'on retiendra. Mais maman sois forte. Si le diable m'emporte, tu vois mon cadavre sous un drap. J'ai connu la rue depuis le rez-de-chaussée. Glock 17 pour éviter le fossé. Je m'en bats les coups d'aller bosser. Quatre roues motrices, suspension rehaussée. On a commencé au plus bas au taille. Rêve pas dans les cahiers. Je compte mon bif, laisse ça pour m'endormir. Le jour en cours, je n'ai fait que bailler. 7 ans plus tard, on prendra ton terrain. Ton corps en sang dans la cage d'escalier. Oui, je l'avoue, je suis bon qu'à faire des sous. Puisque par ici, le bonheur s'est taillé. J'ai eu ma chance, mais je l'ai pas réclamé. Vécu ma vie entre oseille et camé. Qui veut la paix? Qui veut ma peau? Qui viendra me faire? Qui viendra m'égaler? Petit, ne rêve que de corvée. De bif, d'étoiles et de comètes. Maman, ton fils, on va faire du genre art. Ne t'inquiète pas, fais de beaux rêves. Cette nuit, je rentrerai pas, je regrette. Casse le miroir et le mal que je reflète. Nouveau gamo, je me dis qu'elle sera refaite. Mais cette nuit, elle s'endormira seule. Car mes jours et ses nuits se répètent. Lui sort dans les mêmes disquettes. Maman, t'inquiète. Oui, tu veux mes yeux, je te les prête. Mais je rentrerai pas, je regrette. Non, je ne rentrerai plus. Je me suis perdu, j'ai jeté mes puces. Tu aimais ce que je n'étais plus. Ton fils te reviendra. Les stars enfoncent la porte. Sérieux, l'avenir on le repeindra. À ma mort de mon vivant, qu'importe. Ce qu'on pense qu'on retiendra.